La descente. Saint-Joseph là. Oui, ça relève, oui. Des remparts. La descente. La descente. Divine point. Oui, tu masses. Descente. La descente. La descente. Divine point. Oui, ma cajou. Alors qui traverse là, c'est lui qui baille en bas belle entrée. Quand on connaît le chauffeur, bus cafou qu'on a viré. Oui, ça arrive, oui. Traversier. Mais, il y a l'autre nom encore, je te connais Bali. Il y a longtemps, il y a tout petit. Je connais des grandes mapies. Il y a l'autre, oui. Cap escalin. Miracle. C'est le moment où il vient de la lumière rouge. Chauffeur quand même quoi, même pas la lumière rouge là, il fonce. Mais, des automobiles qui sortent en bas, non, rue des miracles là, bon, Canada quand on va les bouter. Mais puisque chauffeur quand même quoi, la lumière rouge, il met la lumière verte, donc il y a un droit de passage. Avec qui moula faire religion? Avec chauffeur quand même quoi. Go! Je vais quand même encore des concours, bredel, bredel, détaché sur quand même, se tomber dans le ciment. L'aime d'où ça, saucisse gaillée, saucisse voltigée, saucisse volée. L'aime d'où ça, hey. Mais gros, c'est saucisse, yo. Mais longue, c'est saucisse, yo. Saucisse. Aïe, aïe, aïe. Mais, des gros femmes, malheureuses avec, qui déchita en bas galerie bata. Quand on est machin pistache, machin surette, on chita. Femme n'a fait le pas bon. Mais l'homme, on passe au bal 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes, il est bien content. Mais pendant que la détache, c'est quand même se tomber dans le ciment, sans se la voltige à gauche à droite. Mais gros son saucisse, mais l'on gros saucisse, quand elle tombe dans l'estomac, malheureuse là. Malheureuse là, ouh! Pour bagaille, ça tombe dans l'estomac, moi, hein. Si tout le monde va mourir, mes chauffeurs mourir. Femme dodo. Femme dodo. Pensez mon chéri, pensez mamie. Femme dodo. Femme dodo chéri. Femme dodo. Pensez mamie. Pensez mon chéri. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo, femme dodo, femme dodo. Pesem mami, pesem chéri. Femme dodo. Deuxième trimestre. Gardez donc. Monsieur jeune garçon yo. Cap marché remen yo. Prends précaution non. Prends précaution non. C'est assez une petite moune dans la rue ou elle cause avec vous. Alors, par contre, quelques filles françaises marron gagnent ou tombent par la timounio chérie. Pourquoi tu t'es loin, tu caches, tu tombes de la détresse. On va nous faire des bagages, vous comprenez. Tu commences à bien comprendre, non? Libé dans des ou l'idée ou? C'est pour elle comme maman. Il prend un petit méon, le méné ou elle cale la mer. Lorsque vous verrez la mer, ou cause avec la mer ou elle son nom enfin. On continue, j'en bagage, vous comprenez, la mer accepte ou? Mais la mère avise ou? Les deux débutants doivent venir la caille, c'est venir à 7h pour sortir à 8h. Oh, c'est comment c'est Mishita pas la ménagerie, pas la ménagerie. Bonjour Mishita, j'appose à la ménagerie. Des vins pour grand monde, non? Alors comment arrive encore? Comment arrive encore? Où depuis les dinobas ça encore? Pour grand monde, dans ton système. Lorsque Chita n'importe, ça va pas la ménagerie. Ni même Chita n'importe en face, pour la contrôler. Donc, on va pas pour beau pour faire rien du tout. Mais bonjour, pendant que j'appose à la ménagerie. Des vins pour grand monde, non? Des vins pour du commerce. Chance pour monsieur. Dovin by blackout. Avec les mouns, bah ouais, mouns. Pendant ces temps-là, monsieur, tout profiter. Quand il bouche, mette en bouche, comme pour la brale, il la scraoul. Et puis, quand il mette dans le stomac, comme elle a pesé des sangs, nous comprenons nos gens pour la dactylographie. Allez, nous ça. Bah, la vie, trop bon pour monsieur, allez, qu'il est, Roman. Trop bon, monsieur. Allez, qu'il est. Monsieur, ton bap fait jalousie. Ça lié parce que mon qui vient demander renseignement dans la pour tu comme elle parle avec lui, ça seulement monsieur tombe à faire jalousie. Mais c'est pas sérieux. Qui jalouse ou que vous faites? Qui mêle ou? Qui mêle ou monsieur Joseph avec un tel a dégagé, il passe par là. Ça va garder ou? On m'a pas venu pour marier. Tout simplement, vient dans la c'est pour tirer, tu parti pas ou pour aller. Maman, ça va garder ou que ne pas pour entrer là-dedans. Et pour nous, les gars, c'est de vraiment avec vos filles, on s'est dit des mots pour des filles, que ça pour pas des filles. Parce que ce petit mot qu'on s'en va défier ou à petit fia. Qui s'en va comme j'arrive à défier? Chérie. Chérie. Combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? Mais il y a des questions pas faites pour poser aux filles. Ça va garder. Sous un camarade de là, toute la journée la bambouche, ça va garder. Tout simplement mourir du boulot pour retirer du parti pas pour aller. Comment? Non, non, question pas pose aux filles. Oh oui, chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Femme dodo. Femme dodo. Pesem chéri. Pesem mami. Femme dodo. Pesem tichou. Pesem mami. Femme dodo. Femme dodo chérie, femme dodo, pèse mami, moi pèse un tissu. Femme dodo, femme dodo, femme dodo, femme dodo. Troisième trimestre, troisième trimestre. Regardez non. Ouais Mazon Bell, gain deux qualités de Mazon Bell. Bon Mazon Bell blanc. Il y a un petit tacte violette là-dedans. Mazon Bell, ça vient de manger depuis jeudi à bougie demain matin. Ou pas, j'en gagne, yon, yon, yon. Bon, l'autre Mazon Bell qui gon couleur brique. Ça, même, c'est porté présenté. Sous fait trois jours à manger, regardez non. Comment qui j'en a fini? Ou pas, vite même avec tête, moi. Ou pas, vite même avec son soir. Ah! Et puis on le barre encore. Monsieur. Monsieur quantifie almen en balle. En point. Les balles là préfini. Sans quoi dit comme ça. Au chéri, pour même pour mener en balle, nous bien danser, nous bien manger, nous bien boire. Pour la wap sorti, m'a sorti tout. Wap couru, m'a bourri tout, wap saut tombé. M'a tombé sur, m'a fait comme ça, wap fait comme ça tout. Raï ça, vous comprenez. Mais il semble que moi un petit gens quand on t'a donné un monde quotidien manqué fourniture même là tu peux m'attendre crier tu comme mettre plus l'audio on peut les mener dans balle c'est la qualité qui soit posé moi mais je dois arriver à poser même question bon sous mon bagage pour dire moi c'est pour dire ni pas rien pour cacher moi j'ai dit chérie bon voulez nous la vérité m'a tout toute bagaille mais ni pas rien pour me cacher. Il semble que l'autre jour, pendant ma passe mes sous roues, moi, mon petit Jean, quand on a donné au monde, mon petit Jean, manqué. Enfin, cheveux. Et puis, il a tombé cru encore. Oh, ok. Vous reposez même question encore. Et depuis là, je vous défile tout bagaille. Je raconte tout bagaille. Si je dis, vous êtes capable de passer mes sous moi, où est mon petit Jean? Jean, ouais, non. C'est maman. Café de bon manger ma zombelle. Femme dodo. Femme dodo. Sando.